Alors, je regroupe les questions là qui sont sur le même thème. Il y en a plusieurs sur la sexualité. En quoi la sexualité permet-elle à l'être humain d'évoluer? Est-ce que cela aurait pu être autrement? Bon, la sexualité permet à l'être humain d'évoluer par le fait, premièrement, qu'il peut procréer. Procréant, il a la faculté, de par sa génétique, dans la même lignée familiale, de pouvoir revenir au niveau expérientiel, ce que, antiquement, ou ce qu'on appelle encore aujourd'hui, il a la faculté, la possibilité de pouvoir se réincarner. D'une part. D'autre part, les mécanismes de la relation sexuelle, normalement, pourraient permettre à l'être humain d'arriver à un degré d'évolution proche de l'être nouveau. Mais cette faculté, elle a servi à quelques rares personnes que l'on va appeler initiées dans l'Antiquité, et elle n'a presque plus et elle n'a presque pas eu la faculté de servir la collectivité au niveau humain. L'être humain n'était pas et n'est pas sur la planète Terre pour la quitter. Il est sur la planète Terre pour l'amener avec elle. Et on va revenir sur ce mécanisme. Au niveau sexuel, lorsque l'homme et la femme arrivent à un point appelé orgasme, si ces deux personnages ont une faculté d'arriver à empêcher l'éjaculation ou à empêcher l'ovulation au niveau de la femme, disons que le tantrisme sert beaucoup plus l'homme que la femme, mais il y a une possibilité d'arriver dans une relation sexuelle non procréative, à faire en sorte que l'énergie vitale, donc sexuelle, chez l'homme et chez la femme, puisse désintégrer totalement l'âme, totalement l'ego. Il faut comprendre, premièrement, que l'énergie vitale est la même, est de même nature que l'énergie supramentale. Dans l'ancienne étymologie, on parle de l'énergie vitale sous l'appellation énergie éthérique, corps éthérique. On parle aussi de l'éther, on parle aussi de l'énergie supramentale sous étymologie éther. Le corps éthérique, l'énergie éthérique, est une énergie qui permet la constitution d'un corps ou d'une forme et qui permet aussi l'animation évolutive de cette forme. Donc, permet l'évolution évolutive des mémoires de la forme. Au niveau terrestre, le corps supramental, ou le corps éthérique plutôt, porte le nom de corps vital parce qu'il a été terrestrifié, il a été baissé en énergie, il a été densifié et il permet la vie. Chez l'être ancien, dans l'Antiquité, le corps vital, à un moment donné, s'est subtilisé, il s'est divisé en deux pour pouvoir permettre de créer le centre laryngé, permettant à l'être animal de devenir l'être humain, donc lui donnant la parole, et permettant aussi à cet être de développer un cerveau. La moitié de cette énergie vitale devait servir à la procréation, engendrant par le fait même la sexualité chez l'homme, chez l'être humain, donnant l'homme et donnant la femme. Pour pouvoir s'engendrer, anciennement, l'homme était hermaphrodite, donc il avait 100% d'énergie sexuelle chez lui, lui permettant de se reproduire sans passer par l'accouplement. L'accouplement permet à l'expérience de deux êtres vivants d'engendrer un troisième être vivant, donc permet d'améliorer l'enfant. Permet donc d'améliorer la race par la procréation sexuelle. Et il a été nécessaire parce que l'énergie sexuelle a été divisée en deux, un au niveau cérébral et laryngé, l'autre au niveau sexuel. Et c'est pourquoi aussi, tant que l'enfant n'a pas suffisamment développé sa faculté de parole et sa faculté de raisonner, donc tant que l'enfant n'a pas fini la programmation de sa neurologie, il n'a pas la possibilité d'être sexué. Il a un corps sexué, mais il ne vit pas de sexualité comme l'être adulte va la vivre. À l'adolescence, l'ego prend possession de la sexualité, l'enfant cesse d'orchestrer sa programmation neuronique et l'enfant normalement a un langage déjà développé. Alors, pour finaliser, le centre laryngé va terminer la mutation au niveau de la voix et la réorchestration psychologique, donc la mutation de l'enfant sans sexualité à l'adulte procréateur. Lorsque l'énergie vitale, donc de même ordre que l'énergie supramentale, celle qui amène l'intelligence spontanée, celle qui permet aussi l'amour intelligent, peut être focalisée, peut être rassemblée, peut être fusionnée à l'insu de l'ego. Et c'est d'ailleurs le travail de l'évolution de l'humain. Le seul handicap, c'est que l'ego, l'identification mémorielle, l'âme, s'interpose continuellement entre l'intelligence spontanée et le fait de vivre dans une intelligence expérientielle, dans une intelligence mémorielle. Chaque fois que l'intelligence spontanée tente d'instruire énergétiquement l'homme, l'intelligence mémorielle, l'ego, essaie de transformer cette connaissance énergétique en connaissance mémorielle, donc elle essaie de vivre le contact avec l'énergie supramentale. Chaque fois que l'ego prend la place de l'énergie supramentale, il n'y a pas de contact authentique, réel et efficace. Il n'y a qu'illumination, flash, intuition, etc. Dans un mécanisme sexuel, si l'être humain arrive dans l'orgasme à ne pas émettre d'énergie vitale à l'extérieur, donc à ne pas avoir d'ovulation, donc lorsque la femme n'est pas fécondable, on pourrait dire, tenter une évolution par l'énergie sexuelle, et lorsque l'homme arrive à ne pas éjaculer, il peut aussi tenter une évolution. Il faut bien comprendre que cette évolution, elle est permise seulement si elle est utile. Alors, tous ceux qui vont pratiquer ce genre d'expérience n'arriveront à rien s'ils n'ont pas à arriver là. Lorsque l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, arrive à être suffisamment énergisée dans le corps vital, dans le corps physique de l'homme, celle-ci arrive à désintégrer, elle arrive à absorber l'ego. L'âme au complet devient vitale. Donc, elle fait évoluer l'ego. Elle fait évoluer l'âme, elle la vitalise. Donc, elle descend le degré vibratoire de l'âme au degré vibratoire du corps vital, permettant par le fait même à l'énergie mentale d'être totalement libérée de l'ego, remettant celui-ci entre les mains de l'énergie supramentale qui va être capable de faire une fusion biologique, une fusion mentale à l'intérieur du corps de la personne, dans un extase sexuelle. Extase sexuelle qui devra durer plus que les quelques secondes conventionnelles et qui ne devra pas être poursuivie en mémoire. Donc, n'ayant plus d'ego, il y a supramentalisation presque instantanée, il y a mutation instantanée et il y a évolution magistrale de l'être ancien qui va renaître de cette sexualité à un être nouveau. Le seul handicap, c'est que l'énergie supramentale descendant sans être ajustée par l'ajusteur psychologique, disons la relation illusoire ou la copie de l'ajusteur de pensée, risque de faire brûler le corps physique. Alors, on sait aussi que dans le tantrisme, on va dire que si l'être humain n'est pas pur, il risque d'en mourir. C'est un fait. D'ailleurs, tous ceux qui en sont morts ne sont pas restés pour en parler. Ce qui complique un peu l'instruction du fait que l'évolution par la sexualité est extrêmement dangereuse et par le fait même presque impossible. Donc, par la sexualité, l'être ancien peut se muter en être nouveau à la condition que dans l'orgasme, il n'y ait pas d'expression ni émotive. D'ailleurs, il n'y aura pas d'expression émotive pour la simple raison que l'ego va être vitalisé, donc digéré, absorbé par l'énergie vitale. La femme doit être dans une phase ovulaire et l'homme ne doit pas éjaculer, ce qui est extrêmement dangereux, surtout pour l'homme. Et lorsque l'homme arrive à cette phase, si la femme a suffisamment de travail, de conscientisation de fait, il y a possibilité que l'ego soit totalement résorbé au niveau du plan vital, ce qui va permettre au corps physique, au corps vital, d'aller épouser, d'aller se fusionner au corps mental et au corps supramental, parce qu'il n'y aura plus de corps égoïque. Il n'y aura plus d'amour, disons, dans le sens émotif, dans le sens sécuritaire et dans le sens procréatif, au niveau de cet acte initiatique du couple. Ce n'est pas à rechercher parce que plusieurs vont y laisser des plumes. Par contre, chez le couple nouveau, à un moment donné, il peut y avoir fusion, comme on l'a expliqué la semaine dernière, et réincarnation du vivant même de l'être humain. C'est-à-dire que vous restez vivant et vous êtes déjà réincarné. Il y a donc possibilité d'engendrer des êtres nouveaux, il y a possibilité de faire plusieurs choses par la sexualité, sauf que c'est du domaine de l'être transitif très avancé ou du domaine de l'être nouveau. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, plus tard, on va revenir sur une conférence qui ne regardera que cette sexualité et possiblement aussi qu'on pourra faire un séminaire intensif en regard avec cette faculté qu'a le corps physique, le corps vital, de faire résorber l'ego pour amener un contact supramental. Mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. On va y revenir plus tard. Personne qui voudrait savoir où situer la sexualité dans l'amour intelligent. La première forme intelligente de sexualité, cela va de soi, c'est la procréation. Alors l'homme, la femme ne feront plus d'actes sexuels seulement pour s'énergiser vitalement chez l'homme, astralement chez la femme, mais lorsqu'ils vont accomplir un acte sexuel, ce sera pour procréer. Procréer dans un cadre particulier pour permettre la possibilité d'une naissance d'un corps physique qui permettra un contact plus rapide au niveau supramental, c'est-à-dire d'un corps physique plus approprié à ce contact. Il va de soi que n'importe quel enfant qui va naître d'une mère et d'un père terrestre n'aura pas à la naissance ce contact supramental. Si on regarde même l'épopée de la vie du Nazaréen, il n'avait pas à la naissance le contact avec l'énergie supramentale, avec l'énergie bouddhique ou divine, donc il n'avait pas à la naissance le contact avec ce que lui appelait son père. Il l'a eu vers les 12 ans. Il l'a eu là où la puberté a commencé, là où il a pu commencer à devenir un homme, un adulte. Il a finalisé ce contact beaucoup plus tard et à un moment donné, il l'a suffisamment finalisé qu'il a commencé à parler, donc à se promener. L'autre mécanisme intelligent de la sexualité est lorsque vous avez suffisamment, et là il y a un danger minime, que vous allez finir de toute façon par surmonter d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois ou d'ici quelques dizaines d'années. Mais ce n'est pas un gros danger. Celui d'être capable de comprendre les besoins temporaires du corps vital de l'homme qui, lorsqu'il manque d'énergie, puise dans l'ego, donc donne une insécurité vibratoire à l'ego, obligeant donc l'homme à rechercher la vitalité de la femme, donc poussant l'homme à un acte sexuel. Et lorsque vous allez être suffisamment énergisé pour comprendre le besoin émotif de l'ego féminin, qui est prêt à donner de l'énergie vitale en échange de l'ego, en échange de la vibration rassurante, sécurisante, émotive de l'homme. Alors, ce qui fait que de temps en temps, l'être transitif est capable d'entrevoir le fait que biologiquement, physiquement, une relation sexuelle serait bon pour lui. Exactement comme s'il irait prendre un cornet ou un verre de bière ou aller voir un film. Alors, à un moment donné, l'être transitif passe par des plans de rechute, par des, cosmiquement, on pourrait dire, par des temps de repos. Mais évidemment, l'être ancien appelle ça temps de rechute. Mais ce sont des temps de repos où l'être évolue et s'énergise, conscientise, comprend. Donc, n'a plus besoin de développer l'abstinence, ce qui n'en a simplement pas le goût. Bon, alors il n'a pas besoin de faire comme un saint, il vit. Et à un moment donné, il a un temps de repos. Alors, tout ça crée des rechutes apparemment. S'il a suffisamment d'énergie mentale, il va voir là une intelligence dans la relation sexuelle pour permettre un ajustement d'évolution. Alors, la femme, elle a besoin de repos. À un moment donné, elle descend en énergie. Alors, elle aurait besoin d'aller chercher de l'énergie chez quelqu'un, chez un homme, par exemple, au niveau émotif, au niveau affectif. Alors donc, même si elle se dit, « Oh oui, mais si j'aurai une relation sexuelle, de toute façon, l'homme, je vais lui donner la relation sexuelle. » Pour aller chercher quelque chose, mais en fin de compte, je gaspille un peu d'énergie vitale, je fais ceci, je fais cela. Mais c'est pas grave. La femme, elle doit être suffisamment énergisée pour dire oui, mais présentement, je n'aurais besoin. Une fois que j'aurai fait ça, je vais, tu sais, après ça, je vais pouvoir l'oublier pendant un bout de temps. Il y a une raison mauditement intelligente de le faire, ajuster. L'homme va se dire, bon, ça y est, là, j'ai le goût d'avoir une relation sexuelle avec une femme. Là, je commence à, du moment que j'en vois une, là, je commence à avoir des vibrations d'ordre physique et vital. Mais je sais très bien que, non, c'est pas ça l'idée pantoute. Tant que mon plan vital et mon plan physique, ou tant que chez la femme, son plan vital et son plan émotif, ont besoin de cette relation, il y a intelligence qu'elle ait lieu. Il y a intelligence qu'elle ait lieu. Pour la simple raison que ce n'est pas du phénomène de la pensée de déterminer si on doit ou on ne doit pas. Le corps physique saura se régir, le corps vital saura se régir, et le corps astral saura se régir ainsi que le corps mental. Ça, c'est de l'amour intelligent, envers soi comme envers autrui. Sauf qu'on doit arriver, de temps en temps, à prendre conscience du phénomène manipulatoire de l'ego qui recherche dans la dans la répétition d'un mécanisme comme la relation sexuelle, une recherche à sa sécurité et à son bien-être. Lorsque l'ego veut, est prêt, à démolir le corps physique et le corps vital, pour cette recherche dans l'acte sexuel, il y a là un danger. Lorsque l'ego de la femme est prêt à démolir son corps physique et son corps vital, dans la recherche de l'affection au niveau de l'ego astral, il y a un danger. Lorsque ça fait un bout de temps, lorsqu'à un moment donné, on croit qu'il y aurait intelligence de le faire, de procéder, parce que chez soi, on a encore des parties qui vibrent d'une façon inécologique, on procède, c'est écologique. Mais lorsqu'à un moment donné, on n'en voit plus l'intelligence, mais on intellectualise, et c'est là le danger. Lorsqu'on va dire, bon, ben là, j'en ai besoin, fait que c'est quand même évolutif, ça va me calmer. Oui, mais s'il faut te calmer tous les heures, il y a un problème. Alors, ce qui fait que le danger, c'est cela. Chaque fois que le corps vital émet, rayonne, il doit absorber un peu dans l'énergie vitale de l'ego. Baissant les vibrations de l'ego, il omnubile sa faculté de créer une conscience illusoire. Autrement dit, il diminue l'état de conscience de l'ego. Diminuant l'état de conscience de l'ego, l'ego se sent sécure parce qu'il voit moins. Mais lorsque l'ego va vouloir revenir à son état de conscience après l'acte sexuel, le lendemain matin ou quelques heures après, il va devoir aller chercher de l'énergie quelque part. Soit au niveau mental, baissant votre faculté de raisonner, soit au niveau vital qui déjà est en pénurie suite à l'acte sexuel, donc fatiguant le corps physique et même le rendant à long terme ou à moyen terme malade. Alors il y a donc des ajustements à faire au niveau de la relation sexuelle, mais on ne doit pas penser qu'elle est évolutive comme elle a servi dans l'Antiquité chez certaines constitutions physiques, chez certains initiés et chez certains maîtres. La sexualité, c'est un contact au niveau de l'ego, du plan vital et du plan physique. Lorsque l'être nouveau a un contact sexuel, lorsque l'être nouveau accomplit un contact sexuel, c'est dans le but de procréer. Alors, comme disait François un jour où j'ai dit cela en conférence, j'espère que c'est pas pour tout de suite l'être nouveau. Bravo pour l'amour intelligent, mais comment en pratique réussir à passer cette frontière de l'amour humain à celui qui est universel? Comment peut-on réussir à briser ces notions acquises de l'amour, ces notions qui nous font souffrir sans perdre un certain équilibre psychologique? Bon. De toute façon, tous ceux qui ont assisté à la conférence ce soir sont déjà suffisamment énergisés pour que des transferts puissent se faire. Cela veut dire simplement que lorsque l'on comprend l'intelligence d'une chose, mais sans en avoir la vibration, l'énergie ou la volonté pour l'appliquer, à long terme ou à moyen terme, ça va s'appliquer tout seul. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de nerf, il n'y a rien qui puisse prendre un être qui aime d'une façon humaine et transformer cet amour en amour intelligent. Si on programme, si on fait un lavage de cerveau chez cet être, on aura l'illusion qu'il exprime de l'amour intelligent. Mais n'importe quel être nouveau verra immédiatement et instantanément qu'il est programmé, qu'il n'a même plus de conscience de cet amour intelligent. Alors donc, il n'y a pas de moyen. On en parle ce soir pour préparer le terrain. On en parle ce soir, j'ai expliqué aussi, pour qu'énergétiquement, des choses soient placées. On en parle aussi pour vous permettre que lorsqu'à un moment donné, vous allez vibrer différemment, apparemment sans cœur, mais qu'au fin fond de vous, vous allez respecter, mais sans exprimer d'une façon humaine l'amour, suite à cette conférence, l'ego va pouvoir dire, va pouvoir être rassuré et ne vous empêchera pas d'exprimer cet amour intelligent. À un moment donné, la personne, elle est seule, elle est dans son salon mortuaire et elle ne pleure pas. Et l'ego va dire, suis-je folle? Suis-je tout à fait inhumain? Suis-je sans cœur? Et là, l'ego va essayer d'exprimer le pleur, d'essayer d'être, de s'assujettir à la collectivité, d'être normal. Une fois qu'on a entendu une conférence comme celle de ce soir, on va découvrir qu'effectivement, on respecte celui qui est mort ou celle qui est morte, qu'on l'aime à un point tel qu'on ne peut pas pleurer, parce qu'on ne peut plus pleurer pour soi, parce qu'elle est partie. Alors, ce qui fait que cette conférence, elle a surtout pour objectif, à court, moyen terme, de vous faire comprendre ce qui va se passer chez vos enfants, chez vos voisins ou chez vous. Le temps seul fait que vous allez accumuler suffisamment d'énergie par compréhension mentale, par compréhension intellectuelle de prime abord, par bouleversement émotif ou par choc psychologique, que vous allez finir par passer ce stage d'homme ancien à être transitif et d'être transitif à être nouveau. Et de femme ancienne à être transitif et d'être transitif à être nouveau. Souvent, l'ego recherche le miracle. Parce que lorsque l'ego voit dans l'amour intelligent l'élimination des souffrances, l'ego ne voit pas non plus qu'il y a aussi élimination de l'ego. Parce qu'il n'y a pas d'amour intelligent avec un ego qui est sélectif et qui sélectionne. Il n'y en a pas. L'amour intelligent, c'est au-delà de la pensée. Donc, ça ne s'acquiert pas par intellectualisme, ça s'acquiert par énergie. Plusieurs parmi ceux qui viennent de temps en temps aux conférences savent qu'effectivement, la majorité de ce qui est transmis au niveau d'une conférence est énergétique. Ça ne se retient pas. Et de temps en temps, c'est frustrant pour l'ego, parce que la personne part et elle dit « Oui, c'était beau, mais comment appliquer? » Je veux dire, tu sais, c'est ça. Et c'est fait pour ça. La parole transmet l'énergie. L'énergie, c'est quoi? Ça ne manipule pas, ça ne fait rien. Si c'est en affinité, en résonance vibratoire avec votre conscience, ça va être intégré. Et ce n'est pas mon énergie. C'est une énergie intelligente. Et si ce n'est pas en résonance avec vous, ça ne fait rien. C'est drôlement plus intelligent que la parole qui peut même transformer quelqu'un qui n'est pas en résonance. Ce que je ne fais pas ici. Alors donc, il n'y a pas de truc. Il y a énergétiquement un degré potentiel d'arriver à l'émettre. Et au niveau de l'ego, il y a instruction. Que lorsqu'un jour vous allez le vivre, que celui-ci doit le laisser vivre. C'est bien beau l'amour intelligent, mais c'est pas beau du tout. C'est inaccessible à l'homme ancien, c'est accessible à l'homme transitif, et c'est exprimé par l'homme nouveau. Même phénomène chez la femme. Alors on va dire, bon, alors il n'y a rien à faire avec ça. Ça ne change rien. Moi, ça ne me touche pas. Une personne qui dit, bon, ben, il n'y a rien à faire avec ça. Dans 2 ans d'ici, elle peut être une personne qui va aimer d'un amour intelligent. Qu'elle dise qu'il n'y a rien à faire ou qu'elle dise qu'il y a tout à faire, ça ne change rien. Ça ne regarde pas sa pensée. Ça fait partie de ce qui ne se pense pas. Ça fait partie de ce qui se vit. Chose est certaine, c'est que l'être humain est en phase de mutation. Et plus cela va changer, plus cela risque d'être traumatisant pour l'ego. Ça va être souffrant. Pénible. Alors on va boire pour oublier. Alors on va jouer dans le sexe pour oublier. Alors on va écouter de la musique pour oublier. Alors on va voir des films pour oublier. Alors on va faire différentes choses pour oublier. Mais irrémédiablement, ça va se faire. L'homme va finir par comprendre. La femme va finir par comprendre. Et au fur et à mesure que l'être va comprendre, il va définir et il va comprendre que ce qu'il comprend n'est rien en regard de ce qu'il peut savoir. Et il va aussi comprendre que la compréhension doit faire place au savoir. Et lorsque l'être va savoir, l'ego qui comprend va disparaître. Il a été utile et il sera transmué en quelque chose de mieux. Mais en attendant, vous continuez ce que vous faites. Vous allez dans des chemins où vibratoirement vous êtes appelé. C'est là l'amour. Vous allez aux conférences où vous vous sentez en résonance. Vous n'y allez pas si vous ne vous sentez pas en résonance. Vous allez dans des séminaires où vous sentez une affinité ou une attraction. Vous n'y allez pas sinon. Vous allez dans des dogmes, dans des églises, dans des religions où vous vous sentez en résonance. Mais vous sortez lorsque vous n'avez plus de résonance. Et lorsque vous vous sentez coupable, c'est qu'on a instauré chez vous un plan de résonance qui ne va pas du tout avec votre résonance personnelle, mais qui permet la manipulation par la culpabilité. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec l'amour intelligent? Rien. Comme on n'a rien à foutre avec l'amour humain. Celui qui aime d'une façon humaine aimera d'une façon humaine. Celui qui doutera de la façon d'aimer doutera de la façon d'aimer. Et celui qui aimera d'une façon intelligente aimera d'une façon intelligente. Entre-temps, ce n'est pas question de choix, ce n'est pas question de discipline. C'est question d'énergie. Une personne qui dit ici, il me semble que ça doit être plate d'être en amour si on est neutre, sans émotion égale. Effectivement, il lui semble. Et c'est normal parce que lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, il nous semble toujours quelque chose. Il me semble que ça doit être intéressant de partir dans une navette spatiale. Il me semble que ça doit être intéressant de vivre dans un pays chaud. Il me semble bien des choses lorsqu'on ne connaît pas. Et surtout lorsqu'on a à se transformer, lorsqu'on a à changer. Alors le voleur va dire, il me semble que ça doit être plate en maudit de plus sentir le suspense du vol. Alors le meurtrier peut dire, il me semble que ça doit être plate en crime. Quand je tue, je vis, je sens quelque chose. Il y a un gars qui tue pas. La vie doit être plate en maudit. Moi, je vois un gars sur la rue, puis tu sais, il me voit pas. Ça me tente d'y tirer une roche par la tête. C'est plaisant, tu montes sur un building, tu laisses tomber des œufs à terre. Le gars qui fait pas ça, me semble. Ben oui. Mais celui qui le fait pas, ben il vit d'autres choses. Puis lui avec, il lui semble que... ça. Mais l'être nouveau lui semble pas. C'est pas plate, c'est différent. C'est pas plate, c'est différent. Et lorsqu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir. Et parce que l'on pense, il nous semble. Si je dis que l'ego doit se transformer, l'ego va dire, un instant, là, si je me transforme, ça va être plate en maudit. C'est sûr. C'est évident. Parce que tu vas devoir mourir un petit peu pour renaître à quelque chose que tu ne connais pas. Faut faire attention à ce qui nous semble. Parce que ça, c'est un piège pour vous empêcher d'aller. Vous savez, on vous dit, il y a telle party qui se donne telle place. Ouf, il me semble que ça doit être plate, tu sais, c'est juste des jeunes ou c'est juste des vieux. Allez-y. Et quand vous en sortirez, si vous avez réussi à le vivre et non pas à vous asseoir et à continuer à vous sembler, vous pourrez dire, ça a été plate ou ça a été intéressant. Semblez-vous pas avant. On regarde le titre d'un livre. Ça semble être plate, ça. Sachez une chose, que celui qui semble que ça va être plate, c'est qu'il regarde d'une façon plate. Une personne qui dit ici, « Souvent, je sors de mon énergie pour être écologique vis-à-vis des autres. Et si je reste dans mon énergie, j'ai la pression de ne pas être écologique, donc je me donne la responsabilité de la santé psychologique des autres. Que faire pour rester dans mon énergie? En m'ajustant, pourquoi ai-je l'impression de gaspiller de l'énergie ou de ne pas être dans mon énergie? » Tel que c'est écrit ici, la personne n'est pas nécessairement dans son énergie et ne comprend pas tout à fait ce qu'est être écologique. Pour être écologique vis-à-vis des autres, je sors de mon énergie. Et si je reste dans mon énergie, j'ai l'impression de ne pas être écologique, donc je me donne la responsabilité ou la mission de la santé psychologique des autres. Je détermine donc, si je poursuis la pensée écrite, je détermine donc la faculté qu'auront les autres à évoluer, à s'adapter et à s'améliorer, et je leur interdis totalement la possibilité de s'ajuster eux, parce que moi je m'ajuste étant donné que je sais qu'eux ne pourront pas. De dire non à un enfant, ça va le faire pleurer, Alors, si je décide que l'enfant ne pourra jamais évoluer, alors je lui dis oui. C'est ce qu'on fait avec un enfant handicapé, et c'est ce qu'on fait aussi avec un enfant qui risque de mourir d'ici peu. On lui dit oui à tout. Parce qu'on s'imagine qu'il n'a plus la faculté ou qu'il n'a pas la faculté de s'améliorer. Selon le concept qu'on a de l'évolution et de l'amélioration, il a 6 mois à vivre, alors à quoi bon l'évolution? Il est handicapé, alors. Ça, c'est de la pensée. Ce n'est pas d'écologie. Il est bien évident que si, à un moment donné, je me sens dans mon énergie à me promener à poil dans ma maison, et que ma maison, elle est envahie par mes enfants, mes adolescents, ma femme, ma belle-mère, et soudain, je décide carrément, un jour, bang, je sors. Ils vont m'ajuster. Alors, je vais dire, je vais être écologique. Il faut faire attention à quel genre d'ajustement l'on fait. Si l'on doit totalement se déformer pour ne pas risquer de choquer les autres, déménager. Mais encore là, c'est une stupidité. Alors, on doit de plus en plus éduquer les autres à nous accepter tels que nous sommes. Mais une éducation, ce n'est pas d'une claque. Lorsque vous avez été à l'école, on ne vous a pas montré la trigonométrie en commençant à l'élémentaire. Alors, soyez écologique. Éduquez les autres à vous accepter tels que vous êtes, après les avoir éduqués pendant moult années, à vous accepter tels que vous n'étiez pas. Considérant que tous nous sommes des personnes en transition, peut-on considérer qu'il est normal dans un couple que chacun doit faire son cheminement indépendamment l'un de l'autre, sans que chacun ne se sente obligé d'aider l'autre à progresser plus vite? Comment faire réaliser à l'autre le respect de son rythme d'évolution propre, et ce, sans aucune intervention? Considérant que nous sommes des personnes transitives. Si cette personne elle a un problème écologique avec quelqu'un qui se mêle de sa vie, c'est qu'elle le veut. Parce qu'elle commence déjà en considérant que nous sommes des personnes transitives. Elle n'est pas individuelle, elle est collective. Elle ne peut pas dire « considérant que je suis ». Considérant que nous sommes. Donc, elle se noie dans une collectivité. Elle l'attire. De quelle façon arriver à faire en sorte que la personne avec qui nous restons ou que la personne avec qui nous cheminons nous foutre la paix dans notre évolution, malgré qu'elle-même évolue? C'est ce qui sans doute brise le plus de couples. Le fait qu'on aime l'autre. Alors, lorsque j'évolue, je veux qu'elle évolue. Ou je veux qu'il évolue. Lorsque je comprends, il faut qu'elle comprenne. C'est tellement beau. Je convertis l'autre. Tandis que, lorsque je ne comprends plus, lorsque ça ne va plus, alors là, je vais voir l'autre pour essayer de têter. Là, je dis à l'autre, ben oui, mais tu sais, arrête de penser à ça, là. Mais quand moi, ça me tente d'y penser, puis l'autre, ça ne tente pas, il faut que l'autre pense avec. Alors, je vais encore chercher de l'énergie. C'est ce qui brise la majorité des couples qui, apparemment, de l'extérieur, font un cheminement de conscientisation ou d'amélioration. Je viens de découvrir la méditation transcendantale. Je rentre chez moi, il faut que ma femme et mes enfants en fassent, c'est bon. Je viens de découvrir la manipulation. Je suis manipulé par mes désirs émotifs. Je veux boire du vin, mais je n'en bois pas. Ma femme veut en boire et elle en boit. Alors non! Tu vois pas que tu te fais charrier, tu vois pas que tu te fais! Fous-y donc ton verre de vin dans le visage. C'est important, c'est ce qui brise la majorité des couples qui se conscientisent. On a l'impression que parce qu'on chemine ensemble, j'ai déjà dit que si on attachait deux oiseaux l'un à l'autre, malgré qu'ils aient 4 ailes, ne pourront pas voler. Parce que deux êtres cheminent ensemble, Ils doivent cheminer individuellement et librement. Ça démolit les enfants, ça démolit la femme, ça démolit l'homme. Je comprends, je vis quelque chose, l'autre, présentement, n'est pas dans cette énergie de compréhension. Elle baisse en vibration, n'importe quoi, elle ne le vit pas, elle ne le comprend pas. C'est son affaire. Ce n'est pas la mienne. Mais parce que moi, je suis assujetti à ne pas être capable d'assumer seul mon amélioration, je crée l'idée de l'évolution dans le couple. C'est vrai et c'est faux. Alors, parce que je comprends, je ne peux pas m'assumer. Je ne peux pas assumer ce que je comprends, ce que je vis. Je dois forcer l'autre à le vivre, parce qu'à deux, c'est vrai. Alors là, maintenant, je peux assumer, parce que l'autre le vit. Et lorsque je descends, lorsque j'ai une dépression énergétique, je ne parle pas d'une dépression totale, mais lorsque je perds un peu en énergie, lorsque j'ai un down, alors là, je ne veux pas qu'on me parle d'évolution, je vais encore chercher de l'énergie, je vais têter parce que je ne suis pas capable d'assumer mon propre bas énergétique. Lorsque moi, je vois ma femme dans un bas énergétique, je viens la voir et je lui dis « Est-ce que je peux t'être utile? » Il y a des possibilités qu'elle ne me réponde pas. Mais je sais que mon corps physique émet de l'énergie vitale et que l'énergie vitale peut être absorbée par l'ego. Et que lorsque l'ego a un bas, c'est qu'il ne sait plus où puiser de l'énergie. Alors, je vais la toucher. Et elle se sent mieux. Je ne parle pas. Parce que la parole demande déjà un effort de l'ego pour arriver à intégrer. Parce que chaque fois qu'un mot rentre, il doit être placé au niveau mémoriel pour que l'ego sache qu'est-ce que ce mot veut dire. On doit analyser l'intonation, la voix et tout au niveau égoïque à ce moment. Et c'est dangereux. Alors, je ne parle pas. Au lieu de passer par la parole qui devra demander à l'ego une perte d'énergie, je touche. Je frotte. Je masse. Je laisse libre. Je ne dis rien. S'il n'a pas besoin de moi, il va me dire, « Oh, laisse-moi en paix. J'ai besoin d'être seul. » Je l'aime à un point tel que je lui permets d'être seul. Ce n'est pas de l'amour humain. Alors je dis, très bien, si tu as besoin, je suis là. Je m'en vais. Lorsque je suis dans un bas, ma femme peut faire la même chose. Mais si elle est dans un bas et je vais la voir, voyons, qu'est-ce que t'as? Tu devrais te péper, tu ne veux pas te manipuler, tu te fais charrier, là tu es dans un down parce que tu as des idées qui... Franchement, je suis dans un down, donc je ne peux plus rien comprendre. Fait que le cave avec ses idées. Rien à faire. Et vice-versa pour l'homme et pour la femme. Et lorsque je suis dans un haut, et là, je me sens bien. Ouais, moi, je me sens mal. Fait que veux-tu fermer ta maudite gueule? Je veux dire, moi, je me sens tout mal, puis l'autre, il est là, qui te barouille d'enthousiasme, qui vient me voir, puis il se sent bien, lui. C'est encore plus déprimant. Il y a un respect mutuel dans l'évolution du couple qui se doit. Ta femme ne comprend pas. Puis après, toi, comprends-tu qu'elle peut ne pas comprendre? Ton mari ne comprend pas. Et puis après, toi, comprends-tu qu'il peut ne pas comprendre? Non. On est collectif. Alors, on veut que tout le monde comprenne en même temps. C'est ce qui brise la majorité des couples qui sont en croissance ou qui sont déjà conçus. Ça va pas? Non. Dis plus rien, touche. L'autre veut rien savoir? Parfait. Il est en train d'apprendre à s'assumer. Merde, nuisez-le pas pour pouvoir l'aider. Je suis là si tu as besoin. Mais il y a un problème, c'est que la majorité des êtres anciens ou transitifs manipulent. Alors, la personne, elle va dire, « OK, va-t'en. Si j'ai besoin, je vais te chercher. » Et à un moment donné, elle va un petit peu mieux. Et là, il a besoin qu'on lui prouve qu'on l'aime. Alors, elle va dire, « Je ne vais pas lui demander. » Alors, ce n'est pas nécessaire qu'il soit conscient. Il devrait, s'il m'aime, voir que maintenant, j'ai besoin. Fait que si l'autre ne vient pas comme un chien, à un moment donné, 2, 3, 4 heures après, il passe. La personne revient. Mais elle va avoir quelque chose contre lui. Si tu m'aurais aimé, si tu m'aimerais, t'aurais vu qu'à un moment donné, il s'arrêtait le temps que tu viennes. Tu viens toujours quand je veux pas, mais tu viens jamais quand je veux. Alors moi, je dis, quand tu seras suffisamment intelligent pour le dire quand tu as besoin, puis pour le dire quand tu n'as pas besoin, je serai là quand tu auras besoin, et je ne serai pas là quand tu n'auras pas besoin. C'est facile à maudire, hein? Oh, mais tu devrais le savoir! Non, si toi, tu n'es pas capable de le savoir à temps, demande pas moi de le savoir pour toi. Bye-bye. La personne souffre. Puis à un moment donné, elle découvre qu'effectivement, quand elle a besoin d'aide, on vient. Quand elle n'a pas besoin, on va. Je parle du couple. Je ne parle pas du voisin ou de la sangsue d'énergie qui, à un moment donné, est toujours à votre porte. Il faut faire attention au niveau du couple, parce que bien souvent, croyant qu'on veut aider l'autre, on le nuit. C'est relié à l'amour de l'homme ancien et de la femme ancienne. L'évolution dans un couple se fait individuellement. Quand vous marchez, laissez l'autre. Tendez-lui une main. Si elle n'accepte pas la main, prenez-y pas le poignet. Une question là qui est tough en petit Jésus de plâtre. Veux-tu que je te la lis? Bon, ça y est, la publicité fait fureur. Quand... Bah, je vais commencer par le commencement. Ça sent bien. Si j'ai bien saisi que par amour, l'être ancien prolonge les souffrances des vieux et par contre favorise l'avortement, quand et comment l'être nouveau va éliminer le paradoxe entre permettre l'euthanasie et abolir l'avortement? Premièrement, l'être nouveau n'ira jamais empêcher l'euthanasie ou permettre l'euthanasie chez l'être ancien. Et il n'ira pas non plus permettre ou empêcher l'avortement chez l'être ancien. L'être nouveau va fonctionner dans un monde d'être nouveau. Alors, ce qui fait que entre être de conscience nouvelle, il n'y aura plus de ceci et de cela. Mais jamais l'être nouveau va s'interposer dans la conscience de l'être ancien, dans la société de l'être ancien ou dans la vie de l'être ancien. On va revenir sur ces mécanismes un peu plus tard. Parce que plus vous allez entendre parler de la conscience nouvelle ou de plus vous allez être énergisé, plus vous allez vous-même arriver à la construire, cette conscience nouvelle, vous allez poser des questions aussi bien définies que celles-ci. Et à un moment donné, vous allez aussi arriver à y répondre. Et entre nous, à ce moment-là, vous ne vivrez pas pour rien. Et on ne vous empêchera pas de naître après. Il y a tellement de questions qu'il faudrait faire... Il y a tellement faire... de réponses. Il faudrait faire un marathon là, pour le peu de temps qu'il nous reste. Alors on va y aller, okay? Vas-y, on va essayer. L'homme devenu son propre maître vit-il une très grande solitude? Si oui, l'aime-t-il? S'il l'aime, il ne vit pas de solitude. S'il ne l'aime pas, il en vit une. Quelle différence entre l'âme, l'ego, l'esprit, le subconscient? Bon, c'est une question qu'on répond d'une façon extrêmement explicite dans le séminaire que je donne sur l'être nouveau. L'expliquer ici, c'est trop rapide. L'âme, c'est le constituant, c'est comme un œuf. L'ego, c'est le jaune de l'œuf, la densification de toutes les mémoires expérientielles. Le subconscient fait partie de ce qu'on appelle les mémoires volatiles, choses qui peuvent disparaître avec le temps et choses qu'on peut aussi aller tripoter par l'hypnose, par exemple, et par le vécu quotidien. L'esprit n'a rien à voir avec l'âme. L'esprit est ce qui fait partie des plans extraterrestres, en l'occurrence l'énergie supramentale, l'énergie bouddhique et l'énergie divine, ce que le Nazaréen appelait les cieux. Tandis que le ciel, où vit l'âme, où vit le Dieu créé par l'homme à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme, le Dieu qui punit, le Dieu qui a des armées pour défendre, le Dieu qui a des commandements qu'on doit respecter sinon il est frustré, ce Dieu fait partie de ce que le Nazaréen appelait le ciel. Dans le ciel, il y a l'âme de l'homme. Et dans le ciel, l'âme vit immortellement. Mais dans le ciel, il y a une partie infernale matérialisée dans le monde des morts. Dans le ciel, il y a une partie purgatorielle où l'âme est digérée. Et dans le ciel, il y a une partie paradisiaque où l'âme va finir sa digestion planétaire dans l'âme planétaire, donc dans le ciel, pour libérer l'esprit. Alors, évidemment, c'est quelque chose de gros parce que ça explique l'homme. Une personne qui, disons, dans le séminaire, s'est expliquée convenablement, parce que, premièrement, c'est déjà prévu, et deuxièmement, les personnes peuvent poser leurs questions au fur et à mesure où on avance. Sinon, il y a déjà deux conférences que j'ai faites en ce qui regarde le rôle de l'âme et le rôle de l'ego. Si la personne veut, disons, avoir plus de renseignements. Où situer l'amour de nos anges gardiens, ajusteurs de pensée, qui sont voués qu'à ajuster nos pas? Comment qualifier leur amour? C'est un amour intelligent, c'est un amour écologique. Quand on n'en a plus besoin, ils disparaissent. Quand on en a besoin, ils sont là. Si on les écoute, ils s'en foutent. Si on ne les écoute pas, ils s'en foutent. Ben oui, ils vous aiment. Qu'est-ce que l'ajusteur de pensée? Il fallait commencer avec elle parce que c'est long. Alors, on va faire encore le marathon, puis on reviendra la semaine prochaine, si... Là, c'est pas une question, c'est une réponse. Je vais faire une conférence directe sur l'ajusteur de pensée. Ça va être peut-être plus... comme ça, tu pourras pas m'empêcher d'y répondre. Okay. Une personne qui dit « Je trouve que ce que vous dites sont les choses les plus intelligentes que j'ai entendues. Je trouve que vous n'êtes pas fou, mais d'une très grande intelligence et d'une humanité sans pareil. » Alors voilà, t'inquiète plus pour la question que t'as posée tout à l'heure. Là. On a répondu. On a vu la semaine dernière dans la conférence de « Ce qui ne se pense pas » que ce qui est le plus important, c'est ce qui ne se dit pas. Est-ce la même chose au niveau de l'amour? Autrement dit, est-ce qu'on ferait mieux d'en parler, de le faire que d'en parler? Ça, c'est bien toi, ça. J'ai hésité quand même. Tu vois, ça rentre petit à petit. L'amour, c'est un contact. C'est une relation. Une relation qui a été suffisamment décrite ce soir. Elle se fait par contact physique, par contact vital, par contact psychologique. Donc, il peut se faire par contact oral. Dans le contact oral, je ne parle pas du sexe oral, je parle de la communication. Je dis ça pour que ça rentre plus. Vous avez entendu celle-là. Dans la parole, il y a de l'énergie vitale, il y a de l'énergie émotive, donc astrale, il peut y avoir de l'énergie mentale. Ça se parle lorsque ça doit être parlé. Ça ne se parle pas lorsque ça ne doit pas être parlé, mais ça se communique toujours. L'amour, ça se communique. Sauf qu'il y a deux choses. Elle est communiquée intégralement par n'importe qui, sauf qu'il y a aussi l'amour émotif qui tente à être communiqué. Mais il y a aussi la faculté de percevoir ce qui est communiqué. Et là, l'être humain fait fureur dans la déformation de ce qui est communiqué. Alors donc, même si on ne dit pas à quelqu'un « je t'aime », il est aimé, il est intégré dans l'amour universel. Mais lui va déformer et il aura besoin qu'on lui dise. Et même si on lui dit, ce ne sera pas assez, il aura besoin qu'on lui prouve. Et même si on lui prouve, il va dire, c'est parce que je te l'ai demandé que tu me le prouves, parce que si je ne te l'aurais pas demandé, tu ne l'aurais pas fait, donc ça me dit... Bref, ce n'est pas tellement chez l'être ancien la faculté d'exprimer qui manque. C'est la faculté de voir clairement ce qui est exprimé. Alors, on peut parler, on peut toucher, on peut ne rien faire. De toute façon, l'amour intelligent, c'est quelque chose qui se rayonne. Il est perçu par l'être intelligent. Quelle est ta perception de Sœur Teresa et de Bhagwan Sri Rajneesh? Ça me regarde. Est-ce que Bhagwan Sri Rajneesh fait un travail comme le tien? Ça le regarde. Vous semblez insister sur le besoin des énergies féminines pour l'homme et vice-versa. L'amour gay peut-il être intelligent? L'amour gay a une forme d'intelligence, celle de combler les mécanismes manquants au niveau des plans psychologiques et des plans vitaux. Comme l'amour lesbien, alors si on parle gay au niveau homme. Sauf qu'évidemment, il manque une partie de l'intelligence au niveau de la procréation, cela va de soi. Est-ce qu'une personne homosexuelle est bannie dans une évolution? Absolument pas. Elle aura les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, même si elle a une tangente énergétique des plans terrestres différente de la collectivité et de la majorité, ça ne change rien. L'homosexuel va évoluer, peut se conscientiser, peut arriver aussi à devenir un être nouveau sans passer par l'hétérosexualité. Une chose qui est importante, c'est qu'il y a différents types d'homosexualité. Il y en a qui sont totalement, disons, démoniaques, involutifs, comme il y a de l'hétérosexualité totalement involutif. Et il y a aussi de l'homosexualité. L'homosexualité est souvent la transposition illusoire entre l'amour intelligent et l'amour ancien. C'est-à-dire que c'est une perception nouvelle de la forme d'amour qu'on essaie d'appliquer chez l'ego. Alors évidemment, elle se transpose d'une façon manquée, comme l'amour de l'homme normal, manquée. Alors ce qui fait qu'il n'y a pas de problème pour l'homosexualité au niveau de l'évolution. Lorsque l'homosexuel devient un être nouveau, il devient automatiquement hétérosexuel, pour la simple raison qu'il en voit et qu'il est capable d'assumer ce qui lui manquait dans l'hétérosexualité ancienne. De même, l'hétérosexuel normal devient un hétérosexuel nouveau. Alors, il y a la même mutation sexuelle chez l'homosexuel comme chez l'hétérosexuel, parce que de toute façon, la sexualité chez l'être nouveau ne sera pas vue et vécue comme chez l'être ancien, homosexuel ou non. Alors, ce n'est pas un frein d'être homosexuel, ce n'est pas non plus un avancement, comme ce n'est pas nécessairement un frein d'être hétérosexuel, comme ce n'est pas non plus nécessairement un avancement. Pourquoi tant de divorces, tant de déchirements, alors qu'on peut tout avoir? On peut tout avoir, mais le problème, c'est qu'on veut tout avoir. Ce qui fait qu'on ne peut pas tout avoir, parce que l'on veut tout avoir, et voulant tout avoir, on veut l'avoir tout de suite. Pourquoi tant de divorces? Parce que l'être humain s'aime d'un amour ancien. Lorsque ce que l'autre me rapporte, parce que j'aime ce qu'elle me rapporte, je n'aime pas ce que je n'aime pas elle, ou lui. Lorsqu'elle ne me rapporte plus ce que je veux, je ne l'aime plus. Alors je vais donc essayer d'avoir ailleurs ce que j'ai besoin. On va parler d'amour. Tu ne m'apportes plus suffisamment d'amour. Bon, parlons d'amour, mais c'est le même phénomène. Alors, à un moment donné, je couche avec un autre. Je vais chercher ailleurs ce que tu ne me rapportes pas. Et vice-versa. Et que ce soit au niveau évolutif, au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau supramental, de quelque ordre que ce soit, parce que l'être humain vit d'un amour qu'il croit correct, en ayant une impression qu'il ne l'est pas, parce que l'être ancien vit un amour humain, il a donc la faculté d'être sélectif. Sa pensée aime, donc sa pensée sélectionne. Donc, plus il aura du vécu, plus le temps va passer, plus il va accumuler d'expérience, plus sa pensée va penser différemment. Alors, il peut aussi arriver à aimer autre chose ou autre personne. On a déjà fait des conférences sur le couple dans l'ère nouvelle. Et j'ai déjà aussi tenté de faire une conférence sur le couple actuel. Et il se trouve que le couple ne veut rien savoir du couple actuel, il veut tout savoir du couple nouveau. C'est un gros problème. Vu que le temps passe, on pourra peut-être revenir à un autre moment donné à faire une conférence sur le couple ancien. Mais pour l'instant, les divorces sont causés par une irrésonance énergétique pour la simple raison que l'être aime d'une façon émotive, d'une façon ancienne. Ça ne peut pas amener à autre chose qu'à un divorce. Ou à, non pas un divorce, mais à des problèmes conjugaux. L'être humain peut-il refuser le contact avec son propre esprit? Mais l'être humain ne fait que ça. Est-ce que c'est parce qu'il conteste? Il ne fait que ça. Regardez ce qui arrive. Vous avez une expérience. Bon, la semaine prochaine, on va revenir sur le mensonge cosmique et sur le pourquoi de l'ignorance. Pourquoi l'homme ignore? Pourquoi en naissant, on ne sait pas d'où on vient? Pourquoi en mourant, on ne sait même pas d'où on va? Pourquoi en vivant, on ne sait même plus d'où on va et pourquoi on transforme ce qu'on a fait? Pourquoi on ne comprend pas les principes de simplicité et de facilité? Mais refuser le contact, contester le contact, pour l'instant, c'est normal. Parce que l'homme étant certi de mensonges cosmiques, parce que l'homme vivant dans un monde qu'il se crée, parce qu'il n'a pas la faculté de voir le monde, alors il crée le monde à partir de la parcelle de ce qu'il a perçu. Et c'est normal. À partir de ce qu'il perçoit, il tente d'expliquer le monde. Lorsque, dans son ego, par ses sens, qui sont les tentacules de l'ego, les sens physiques, il découvre, il touche, il sait. À un moment donné, quelque chose vient chez lui, se contacte avec l'esprit. Et l'esprit, lui, a une conscience universelle, conscience globale, conscience achevée, conscience même pas commencée. Lorsque l'esprit vient instruire, alors ce phénomène est perçu par l'ego comme le contact avec un autre sens, un sixième sens. Un sens différent, un sens de surhomme, appelez ça ce que vous voulez, un sens surnaturel, qui est tout à fait naturel, mais inconnu de l'ego. Alors ce message vient et il est mélangé au message de l'ego. Lorsque vous touchez à quelque chose, l'information que vous en avez rentre dans vos mémoires et est analysée. Alors vous dites, c'est un verre d'eau et l'eau est froide. Lorsque vous avez un contact avec l'esprit, l'information rentre et elle est aussi analysée, colorée donc par l'ego, qui veut absolument garder le contrôle qu'il croit avoir. Mais l'ego n'a aucun libre arbitre. L'homme est malade même s'il ne veut pas. L'homme ne gagne pas la loterie lorsqu'il veut. L'homme ne rencontre pas la femme ou la femme ne rencontre pas l'homme qu'il nécessairement désire. Vous n'avez pas tout ce que vous voulez parce que l'ego ne mène pas le jeu. L'ego n'est pas le maître du jeu, c'est l'esprit. Alors l'esprit pénètre, l'esprit prépare un chemin pour l'homme, un chemin facile où tout est compris. Mais l'ego, lui, lorsqu'il a le contact, il colore. J'ai le feeling d'aller par là, mais moi, personnellement, j'ai vu une fille rentrer là. C'est par là que je m'en vais. Alors, ce qui fait que l'ego conteste, le simple fait que l'ego a de l'expérience et de la mémoire fait que l'ego ne peut pas entrer en contact pur avec l'intelligence spontanée, parce que cette spontanéité va être automatiquement tuée pour devenir expérience, pour être comparée à l'expérience mémorisée, et là, après ça, on se fait une idée. Alors donc, l'ego doit effectivement disparaître, mourir, pour que l'esprit puisse prendre sa place. Tant que cela n'est pas fait, l'ego va contester, parce que l'ego conteste sa mort. En soi, il fait bien, pour l'instant. Quelles sont les phases d'installation de l'amour intelligent? Tu te penses intelligent, tu te penses fou, tu te retrouves intelligent. Ça, c'est les phases. Tu te penses intelligent, t'aimes d'un amour humain, tu te penses fou, t'es transitif, tu comprends plus rien pantoute. Parce qu'à travers ce que tu vis, il va être démoli les concepts de ce que tu as toujours pensé que c'était, à l'époque où tu te pensais intelligent. Et à un moment donné, quand tout ça est balayé, ben là, tu te retrouves dans ton intelligence, t'es en paix. Ça paraît comique, c'est vrai. Vous allez voir, à un moment donné, vous passez fou. Anormal. Vous allez être anormal, vous allez être fou. Pour les autres. Puis à un moment donné, vous allez savoir que peut-être que je suis fou, mais merde, j'ai raison. Je l'aime autant que l'autre, mais j'en souffre pas. Vous allez finir par traverser. Une personne qui a un conflit avec son environnement, elle dit « Pourquoi est-ce que je refuse d'accepter qu'on ne m'aime pas? Même les chiens. » Elle s'approche, elle s'accroche, elle attend je ne sais quoi, dit-elle. Elle attend que ce chien-là l'aime, il n'y a rien qui se produit. Donne-y donc un steak. Mon steak, il va t'aimer. Il va se faire aller la queue, c'est comme les bonhommes. J'ai dit tant que je parle. Ah, mais je place ça à la fin, je sais que ça va être censuré sur la cassette. Non, non, non, censure pas. Pourquoi est-ce que je refuse d'accepter qu'on ne m'aime? C'est parce que la personne n'est pas capable de s'assumer. La grande majorité des hommes et des femmes ne sont pas capables de s'assumer. Premièrement, ils ne sont pas capables d'assumer leur solitude. Ils s'ennuient. Deuxièmement, ils ne sont pas capables d'assumer leur dépression. Ils manquent d'énergie. Ils ne sont pas capables d'assumer ce manque d'énergie. Troisièmement, ils ne sont pas capables d'assumer leur évolution. Alors, ils recherchent à l'extérieur d'eux. Quatrièmement, ils ne sont pas capables d'assumer leurs problèmes psychologiques, donc d'assumer leurs propres énergies. Alors, ils vont rechercher qu'on leur en donne. Ils vont rechercher à être aimés. Ils ont besoin d'être aimés parce qu'ils ont besoin de se sentir utiles. Parce que cinquièmement, ils ne sont pas capables d'assumer ce savoir. Donc, ils ne sont pas capables de voir qu'ils sont utiles. Et l'ego a l'impression qu'il ne pourra pas survivre, qu'à un moment donné, il n'aura pas d'immortalité parce qu'il ne sert à rien. Alors donc, l'être humain a donc automatiquement besoin de se sentir utile. Pour se sentir utile, il doit se sentir aimé parce qu'on aime ce qu'on a besoin chez l'homme ancien. Ce que vous avez besoin, vous l'aimez. Si on a besoin de moi, on va m'aimer. Si on n'a pas besoin de moi, on ne m'aime pas. Si on ne m'aime pas, on n'a pas besoin de moi. Si on ne m'aime pas, je suis donc inutile. Si je suis inutile, qu'est-ce que je fous? L'être, il est toujours aussi utile. Mais il n'a pas vu dans quel cadre il était utile. Il croit qu'il doit être utile aux autres. Absolument pas. Il doit être utile à la planète. Il doit être utile au cadre dans lequel il évolue. Et à un moment donné, la personne, elle va finir par être capable de s'assumer. Et elle va finir par sentir qu'à l'intérieur d'elle, il y a suffisamment d'amour pour qu'elle puisse elle-même s'aimer. Sans quémander à autrui. Et lorsqu'elle va être capable de s'aimer, faites confiance que le chien va venir la licher. N'importe quel être humain va venir la courir. Parce que lorsqu'un être ancien rencontre quelqu'un qui s'assume, il s'approche de lui parce qu'il veut prendre de son énergie. Daniel, 5 et 6 avril prochain, tu donnes un séminaire sur l'être nouveau. C'est une fin de semaine intensive. Là, peux-tu nous en parler brièvement, conclure? Alors, comme je disais un peu la semaine dernière, le 5 et 6 avril, c'est ça. Les personnes qui veulent arriver à travailler. On a différentes questions. De temps en temps, on dit comment ceci, pourquoi cela. Et au niveau d'une conférence publique, je dois m'ajuster à l'ensemble. Lorsque j'ai la personne en face, lorsqu'on peut dialoguer, lorsqu'on peut jaser, on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. Évidemment, le séminaire est bouleversant.